Dossier 7, carnet de voyage. Activité 7. Blanc. Ah, le mariage, la pureté. La paix. Oui, mais au Japon, c'est la couleur du deuil, de la mort. Bleu. C'est calme, apaisant. Le bleu du ciel, le bleu de la mer. Rouge. Ça représente la passion. La colère, ou la vitesse. C'est joyeux, le rouge. Oui, mais ça symbolise aussi le danger. Et en Chine, le bonheur. Noir. La mort, le pessimisme. On dit bien voir tout en noir. Ah oui, mais c'est aussi très chic. Et puis pour les vêtements, ça va avec tout.